pas à l'index, même si je suis majeur. Même si je tends le sexe, c'est mon pouce le primeur. J'aime bien, je te lève tout le temps dès qu'il y a un objectif. Je préfère qu'on prenne mon pouce plus que mes jambes ou mes dix. Quand je glande, quand je m'ennuie, je lève mon pouce à autrui. Marque de respect, pouce levé s'il vous plaît.